C'est la quatrième édition du Challenge cycliste des Bleuets Desjardins qui va avoir lieu en fin de semaine à l'aréna du secteur Mistassini. Et on va parler avec le fondateur du Challenge cycliste Desjardins des Bleuets, Paul Morel. Salut Paul! Bon matin! Paul, avant de commencer à parler du Challenge cycliste, je sais que tu es régissant sportif à la ville de Dolbeau. Je veux revenir sur vendredi soir. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'aréna. T'es un peu l'instigateur, t'es en négociation avec les Saguenayens également. Comment t'as trouvé ça? Moi j'ai adoré cette soirée-là. Les gens étaient de bonne humeur et c'était vraiment quelque chose de très très concluant. Oui, Danny, je pense que c'est quelque chose de très concluant. Tu viens de dire les gens étaient de bonne humeur. Effectivement, là, en deux mots, là, en quelques mots, en fait, t'as bien résumé ça. Je dirais que c'était un happening familial, là. Les gens, effectivement, tu te promenais, les gens étaient contents, de bonne humeur, un bon début de saison à l'aréna. Quand tu démarres ça avec une joute des Saguenayens contre les Remparts, avec une aréna pleine, ça a été fantastique comme ambiance. Hey Paul, 2 heures avant le match, j'avais jamais vu ça, un line-up, une file d'attente qui est devant le complexe. Puis pourtant, il n'y avait pas vraiment de raison de faire ça, là. Ça veut dire, parce que tout le monde avait le billet, là. Donc, c'est assez spécial, là, ce qui s'est passé, là. Ben, effectivement, là, il y avait un line-up, là, jusque de la porte d'entrée principale jusqu'à la 4e avenue, là, ou pas loin, oui. Là. Fait que c'était assez spectaculaire. Mais écoute, moi, je pense que les gens se sont présentés très tôt à la porte parce que tout le monde avait son billet, mais les places, il n'y avait pas de place de désignée. Alors, les gens voulaient arriver de bonne heure pour s'asseoir, réserver sa place, profiter du temps, voir le warm-up aussi, la période d'échauffement, des équipes, se mettre dans l'ambiance tout de suite. Alors, c'est probablement ça aussi qui a fait que, déjà, là, il y avait autant de personnes à la porte. Paul, tu es le fondateur du Challenge cycliste des Jardins des Bleuets. C'est en fin de semaine que ça va se décoller. La dernière fois qu'on a fait une conférence de presse, une conférence de presse pour le Challenge cycliste, c'était pour annoncer que vous avez été retenu comme étant, vous aviez eu une honneur tout à fait méritée, une honneur spéciale. Je me rappelle plus en fait c'était quoi l'honneur, mais est-ce que ça l'a apporté beaucoup? Écoute, je pense que ça vaut la peine de nommer là, cet honneur-là. En fait, on a été élu événement cycliste de l'année au Québec, ouais, dans la catégorie cycliste pour tous, par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Alors, c'est pas n'importe quoi. C'est certain, on était très, très fiers de ce titre-là. On a travaillé très fort pour ça. Ça a démontré le professionnalisme de notre organisation, la qualité de notre organisation, le côté sécuritaire qu'on offre à tous les participants. Et évidemment, ça l'a amené une notoriété à notre événement. Donc, je pense qu'il est maintenant reconnu à travers tout le Québec. Donc, c'est bien pour Dolbeau-Mistassini, c'est bien pour notre événement cycliste. Alors, on en est là, fort heureux. Là. OK. Et est-ce que ça l'a apporté au niveau des inscriptions, plus encore d'inscriptions? Je dirais que on peut pas aller plus que le maximum autorisé. Tu sais, nous, étant donné qu'on fait l'événement sur le circuit routier, sur la route 169 qui ceinture le lac Saint-Jean, donc à partir de ce moment-là, on a des balises maximales à respecter. Donc, autour de 200 cyclistes, c'est le maximum qu'on peut recevoir pour notre cyclo-sportive. On ne fera jamais de cyclo-sportive chez nous à 1000 cyclistes. Ouais. Parce que au niveau de la sécurité, ça aurait un impact beaucoup trop important. Alors, encore une fois, cette année, 200 cyclistes, c'est ce qu'on vise. On a toujours le blitz final des inscriptions à chaque année. Il y en a qui attendent un petit peu là, à la dernière minute pour s'inscrire. Mais on va atteindre notre maximum là, autorisé. Et puis, on est bien fiers de son événement. OK. Est-ce que ça prend une grosse logistique, vraiment, là, pour participer à ça? Écoute. Ouais, non, ça prend une logistique, oui, assez importante. On a, tu le sais, Danny, on a trois pelotons qui circulent. C'est pas seulement un peloton qui fait le tour du lac. On a trois pelotons qui sont trois vitesses différentes. Donc, chaque peloton a un véhicule de sûreté du Québec en avant, un véhicule de sûreté du Québec en arrière. Ensuite, t'as le véhicule balai, le véhicule de soutien médical, le véhicule du commissaire. T'as des bénévoles. Ensuite, autour du lac Saint-Jean, j'ai des bénévoles à Chambord, à 5 heures de Marie, pour recevoir. Alors, tu sais, tout autour du lac, là, cette journée-là, c'est une logistique qui est assez importante. Ça se prépare, là, c'est un événement qui se prépare un an d'avance. Dès que le challenge termine, on se donne un petit 2 semaines de pause et on recommence à préparer l'événement suivant. Ouais. OK. Ça vient de où? Écoute, l'idée... Non, je te parle des gens. Je te parle des gens... Ah, excuse-moi. OK. Ouais. OK, les gens viennent de où? Écoute, il faudrait que je te fasse parvenir la liste des inscriptions. C'est de partout, de partout à travers le Québec. Et je te dirais, là, Danny, ça, on en est très fiers. 50%, plus de 50% des participants, là, si tu prends la liste puis tu regardes les villes d'où ça provient, elle provient de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm. Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant pour nous, niveau économique aussi. Parce que les gens arrivent le soir avant, parce qu'on part à 8h le matin, donc il y a le samedi pour coucher. Puis après l'événement, après avoir roulé une journée complète, ben là, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui couchent dans notre secteur pour pouvoir repartir tranquillement le lundi, qui est la fête du travail, donc plusieurs sont en congé. OK, OK. Donc, ça commence donc samedi, c'est ça? Le départ, en fait, le samedi, de 16h à 20h, les gens viennent récupérer leurs trousses. Donc, dans chaque trousse, tu as le guide du participant, maillot, puis tout ça. Ils viennent chercher ça à l'aréna du secteur Mistassini, samedi, okay. De 16h à 20h. Et le départ est aussi de l'aréna du secteur Mistassini, dimanche matin. 8h pour le départ. OK. Puis normalement, ça prend quoi? Une bonne journée? Puis vous roulez à une vitesse quand même intéressante, ouais. Là? Ouais. Je te dirais que le premier peloton, là, qui roule à 35 km de moyenne, arrive à vers 14h30. Le deuxième peloton, qui roule à 32 km de moyenne, arrive vers 15h30. Et puis, le peloton le plus populaire, le 28 km, arrive vers 16h30, 16h45. OK, OK, OK. Donc, on va surveiller ça d'après. Belle initiative, Paul. On se redonne des nouvelles au cours des prochaines semaines. Merci, Denis. Voilà, donc, le fondateur du Challenge cycliste des Bleuets Desjardins, Paul Morin.